Les membres du groupe de visite dans la patrie des Coréens au Japon, conduite par Park Hye-chul, chef adjoint du département du Présidium du Comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, arrivé le 14 courant à Pyongyang par avion, ont déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.